Unité 5. Conversation. Écoutez. Maman, où est ma valise? Elle est dans l'armoire de ta chambre. Sur quelle étagère? En haut. Je ne trouve pas ma chemise verte. Où est-elle donc? Comme d'habitude, dans ta commode. Je ne trouve toujours pas. Où est papa? Il est dans sa chambre. Il cherche sa chemise. Répétez. 1. Maman, où est ma valise? 2. Elle est dans l'armoire de ta chambre. 3. Sur quelle étagère? 4. En haut. 5. Je ne trouve pas ma chemise verte. 6. Où est-elle donc? 7. Comme d'habitude, dans ta commode. 8. Je ne trouve toujours pas. 9. Où est papa? 10. Il est dans sa chambre. Il cherche sa chemise. Répondez, répétez. 11. Où est ma valise? 12. Elle est dans l'armoire de ta chambre. 13. Sur quelle étagère? 14. En haut. 15. Où est ma chemise verte? 16. Comme d'habitude, dans ta commode. 17. Où est papa? 18. Il est dans sa chambre. Il cherche sa chemise. Écoutez. Je prépare ma valise. Françoise prépare sa valise. Et toi, prépares-tu aussi ta valise? Non, je cherche mon sac de voyage. As-tu mon sac de voyage? Non, je n'ai pas ton sac. Maman, où est le sac de Jean? Son sac est dans son placard, en haut. Répétez. 19. Je prépare ma valise. 20. Françoise prépare sa valise. 21. Et toi, prépares-tu aussi ta valise? 22. Non, je cherche mon sac de voyage. 23. As-tu mon sac de voyage? 24. Non, je n'ai pas ton sac. 25. Maman, où est le sac de Jean? 26. Son sac est dans son placard. En haut. Répondez, répétez. 27. Qu'est-ce que tu fais? 28. Je prépare ma valise. 29. Qu'est-ce que fait Françoise? 30. Elle prépare sa valise. 31. Et toi, prépares-tu aussi ta valise? 32. Non, je cherche mon sac de voyage. 33. As-tu mon sac de voyage? 34. Non, je n'ai pas ton sac. 35. Maman, où est le sac de Jean? 36. Son sac est dans son placard, en haut. Écoutez. 37. Chaque hiver, je fais du ski avec Marie. 38. Elle est mon amie. 39. C'est une amie très sympathique. 40. Demain, Nous quittons Paris pour Grenoble. 41. Je prépare ma valise. 42. Voici mon anorak et mon pantalon de ski. 43. Voilà l'anorak de Marie et son pantalon de ski. 44. As-tu ton bonnet? 45. Oui. Et où est ta trousse de toilette? 46. Voilà ma trousse de toilette. Répondez, répétez. 47. Que fais-tu chaque année? 48. Chaque année, je fais un voyage avec Marie. 49. Qui est Marie? 50. Marie est mon amie. 51. Est-elle sympathique? 52. Oui, c'est une amie très sympathique. 53. Que faites-vous demain? 54. Nous quittons Paris pour Grenoble. 55. Prépares-tu ta valise? 56. Oui, je prépare ma valise. 57. As-tu ton anorak et ton pantalon de ski? 58. Oui, voici mon anorak et mon pantalon de ski. 59. Marie a-t-elle son anorak et son pantalon de ski? 60. Oui, voilà son anorak et son pantalon de ski. 61. As-tu ton bonnet? 62. Oui, voici mon bonnet. 63. Où est ta trousse de toilette? 64. Voilà ma trousse de toilette. 65. Paul et Marie vont-ils à Grenoble demain? 66. Oui, ils vont à Grenoble demain. Écoutez. 67. Chaque année, nous faisons un voyage. 68. Nous allons à l'étranger. 69. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? 70. L'hiver, nous faisons du ski. 71. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? 72. Le dimanche, nous faisons souvent une promenade. 73. Qu'est-ce que tu fais l'hiver? 74. Je fais du ski, c'est mon sport préféré. 75. Françoise fait-elle aussi du ski? 76. Oui, elle fait aussi du ski. C'est son sport préféré. Répondez, répétez. 77. Est-ce que vous faites chaque année un voyage? 78. Oui, chaque année nous faisons un voyage. 79. Où allez-vous? 80. Nous allons à l'étranger. 81. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? 82. L'hiver, nous faisons du ski. 83. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? 84. Le dimanche, nous faisons souvent une promenade. 85. Qu'est-ce que tu fais l'hiver? 86. Je fais du ski, c'est mon sport préféré. 87. Françoise fait-elle aussi du ski? 88. Oui, elle fait aussi du ski. C'est son sport préféré.